Le Front populaire péruvien des ouvriers, paysans et étudiants a condamné le 13 courant dans une déclaration les propos du président américain Obama mettant en cause la réussite au dernier essai d'explosion de l'ogive nucléaire coréen.